C'est en Australie qu'aura lieu le UFC 234. On en parle avec notre ami Claude Perron. Salut Claude. Salut Danny. Claude, c'est un UFC, c'est Robert Whittaker qui se bat dans le UFC 234. On dit que c'est un des boxeurs les plus sous-estimés. Pas boxeur, mais combattant. C'est du là que la boxe, c'est que la boxe, mais c'est un combattant des plus sous-estimés. Ben écoute, Whittaker, on n'a pas entendu beaucoup parler, mais quand tu regardes un peu ce bonhomme-là, il est 24, mais par contre, il n'a pas perdu, si je me rappelle bien, là, il n'a pas perdu depuis 2014. Mm. Donc, c'est quand même un bon bout. Il a battu des très bons combattants. Puis, il y a eu, bien sûr, ses deux derniers combats contre Yoel Romero, qui nous a donné tout que des combats. Fait que, non, il mérite sa place. Il n'est pas connu. C'est pas un gars qui est super... il est très, très verbomoteur, si on veut. Là. Ouais. Mais quand même, c'est un gars qui est spectaculaire. Il a le sol debout. Fait que ça va être tout un combat. OK. Donc, c'est dans le UFC 234. Dans les autres combats, est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a des bons combats? Oui, ben écoute, je peux parler de son adversaire un peu, Kevin Gastelum, qui va se battre contre Robert Whittaker. Lui, c'est un gars qui est assez connu aussi. Il est quand même 15-3. C'est un gars qui a les mains très, très, très, très pesantes. Fait que ça va nous donner, tu sais, ça va nous donner un combat. L'autre combat qui est hyper intéressant, c'est justement la demi-finale. Pardon? Il y a Edison Silva qui se bat aussi. C'est ça, c'est la demi-finale entre Anderson Silva puis Israël Adanasia, le jeune prodige là, du point-pied. Là, si tu veux, tu feras une recherche sur lui, là, t'aimes ça, toi, le debout, là. Mm. Ben, tu feras une recherche sur ce gars-là, tu vois, c'est un phénomène, là. Tu vois, c'est un naturel, il se donne des angles, il est ambidex, il a un style moitié karaté, moitié muay thai. C'est tout qu'un athlète debout, c'est un chirurgien. C'est une machine de guerre, là. C'est sérieux, il faut que tu ailles voir ça. Puis là, il va se battre contre Anderson Silva, on le connaît tous. Ben ouais. Hein, il est dans l'Hall of Fame, un des meilleurs 185 livres de tous les temps qu'il y a eu jusqu'à maintenant à l'UFC. Puis, écoute, Anderson, il est pas obligé, il était pas obligé de vouloir se battre contre ce gars-là, puis il a décidé de prendre ça. On sait qu'il refuse jamais de défi. Écoute, il est plus jeune non plus. Là, il y a une grosse bouchée, là. Il y a une très, très grosse bouchée, là. C'était ma prochaine question. Est-ce que c'est nécessaire pour Edison Silva? Écoute, oui. Oui, mais ce gars-là, Danny s'entraîne à l'année. Lui, il aime ça, s'entraîne. Ouais, il est encore compétitif. C'est quand même pas trop faire mal. Faudrait pas peut-être asseoir s'il y a un mauvais chaos. Ça pourrait peut-être changer un peu. T'sais, il va peut-être se battre jusqu'à temps qu'il mange un mauvais coup. Pas un mauvais coup, mais peut-être qu'il subisse une défaite par carreau. Là. Là, il va peut-être remettre tout ça en question. Mais c'est un gars qui s'entraîne à l'année. Il aime ça. Okay. Donc, c'est tout à son honneur. Ouais. Oui, le combattant, Claude, que tu m'as parlé, c'est-tu la prochaine grande vedette du UFC? Est-ce que... Ah, ben oui, je pense qu'ils vont le marketer. Là, puis, va voir ses affaires. À tous les auditeurs, allez voir. Là. Son nom, là, je le prononce peut-être pas bien. Là, c'est Israël Adanasia. Allez voir ça sur YouTube. Le goût, il est incroyable. Il a quand même 29 ans, je sais pas. Il a été champion de Muay Thai. Quand il a le micro dans les mains, il est drôle aussi. T'sais, il est cocky un peu, mais pas trop malavenant, pas trop du trash talking. Okay. Donc, ça va être, moi, je pense que c'est une des prochaines grandes vedettes, ça, c'est sûr et certain. OK, OK. Y a-t-il d'autres combats intéressants? Bah, plus ou moins, là, pour la bataille. C'est en Australie, hein. C'est en Australie, c'est ça. C'est ça, c'est qu'il y a des Australiens, là, du monde de ce bout-là, un peu peut-être connus là-bas, qui viennent de là. Mais pour nous autres, là, il n'y a pas. Il y a deux petits combats intéressants, mais je vous dirais pour la moyenne des eaux, là, ça va être pas mal la demi-finale et la finale. OK. On se reparle au UFC 235, Claude. Enfin, merci. Le combattant Claude Perron.